Section 73 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. La lecture, tome 7e, section 73. Stanley, sa vie, ses aventures et ses voyages, par Adolphe Burdeau. Chapitre 10. En route. Le Maniema. Niangoué. Un contrat avec Tipotype. Pile ou face. À travers les forêts. Découragement. Quand Stanley, de retour de son exploration du lac Tanganyika, regagna Ujiji, il trouva dans un état lamentable la partie de sa caravane qu'il y avait laissée à la garde de Frank Pocock. Ce dernier souffrait cruellement de la fièvre. 5 des Zanzibarites avaient succombé à la petite vérole, et 6 autres en étaient dangereusement atteints. De plus, le moral des hommes semblait au plus bas. La plupart d'entre eux étaient décidés à déserter au plus vite, car la certitude d'être mangés par les cannibales de Maniema, où l'explorateur voulait se rendre, avait fait perdre la tête aux plus intrépides. Stanley prit un parti énergique. Ayant réuni ses hommes, il en fit empoigner 32 qui lui inspiraient peu de confiance, et les embarqua sous bonne garde pour la rive occidentale du lac. De plus, sur les 132 individus dont se composait l'expédition, 30 seulement conservèrent leurs fusils. Avec raison, Stanley se serait résigné, au besoin, à perdre des hommes faibles, sans valeur, craintifs, mais non pas une arme à feu. Lorsqu'on fut arrivé sur l'autre rive du lac, les désertions recommencèrent de plus belle. Mais Stanley fit poursuivre impitoyablement les fugitifs, et les condamna à des corrections sérieuses. Son énergie triompha enfin de la couardise de ses gens, et à partir de ce moment, l'intégrité de sa caravane parvint à se maintenir d'une façon assez satisfaisante, en dépit des récits effrayants qui circulaient sur les pays qu'on allait traverser. À mesure que l'on s'éloigne du lac Tanganyika en direction vers le Maniema, la nature revêt un aspect à la fois charmant et grandiose. Des rampes aux courbes gracieuses séparent les vallées qui se succèdent. Des collines s'élèvent au milieu des bassins. Des chaînes de montagnes, largement espacées, ferment l'horizon et réduisent les chaînons intermédiaires à n'être plus dans la scénerie que des traits agréables par leur diversité. Tout cela est drapé de verdure aux teintes variées, fraîches et vives. Des ruisseaux tombent en cascade de toutes les hauteurs. Les collines sont fleuries et les vallées remplies de parfums. Les roches, les troncs d'arbres, sont enguirlandés de lianes, décorés de mousse. Partout, la terre est féconde. Ce n'est toutefois pas une végétation douce et veloutée, comme celle des grasses plaines des Flandres ou de l'Écosse. Non, les herbes là-bas sont rudes, tranchantes comme des lames, piquantes comme des aiguilles. Les roseaux ressemblent à des bambous dont ils ont la taille et la résistance. Les lianes, les convolvulus, ont une longueur et une épaisseur de câble. Les épines sont des crocs d'acier. Les arbres portent leur fronde à 100 pieds d'élévation. Au Maniema, la nature est d'une beauté terrible. Elle frappe d'un respect mêlé de crainte. Dans le dialecte du pays, le mot « forêt » lui-même exprime quelque chose de plus grand qu'ailleurs. Une jungle emmêlée, un sous-bois impénétrable au milieu d'un bois épais. Et c'est exactement du reste ce que l'on y rencontre. Quant aux gens du pays, ils présentent des particularités dignes de remarque. Leurs armes se composent d'un sabre court à fourreau de bois garni de clochettes de fer ou de cuivre, assez semblable à ce que l'on rencontre à Onitsha sur le Niger. Note. Niger est Bénué, par Adolphe Burdeau, page 128. Fin de la note. D'une lance légère, admirablement équilibrée, et de boucliers en bois énormes, de vraies portes. Pour vêtements, un étroit tablier de peau d'antilope ou d'étoffe d'herbe. Des cônes, des loupes, des plaques d'argile décorent leur barbe et leur chevelure. D'aucuns se font des cornes en pisé au sommet du crâne. Certains, plus ambitieux encore, ont la tête couverte d'une calotte de boue. Les femmes, contrairement à la généralité des négresses, ont une chevelure abondante. Elles en arrangent une partie avec des brindilles de paille qui donnent l'illusion d'une passe de chapeau. Les cheveux de derrière, laissés libres, descendent parfois jusqu'à la taille en une masse de boucles ondulées. Un grand panier sur le dos, ces femmes se rendent aux rivières, aux lagunes, pour y pêcher du poisson, ou bien elles s'en vont quérir du bois de chauffage dans une hotte maintenue par une courroie qui leur passe sur le front. Bien que les indigènes comprennent le devoir de l'hospitalité et accordent aux étrangers le libre accès de leurs habitations, en maints endroits, les femmes Maniema s'enfuirent à l'approche de l'expédition. Sans doute, elles avaient eu antérieurement à souffrir des Arabes et redoutaient avec raison le voisinage des caravanes. Aussi, instruit de cette défaveur, Stanley avait refusé de se laisser accompagner d'aucun trafiquant d'Ujiji, bien que plusieurs l'en eussent supplié. Jusqu'à Niangoué, l'explorateur avança seul avec ses hommes, et il n'eut qu'à se féliciter de cette mesure. Enfin, après quelques péripéties inséparables de ses marches dans l'inconnu, il arriva tout à coup en face du point de jonction des rivières Lualaba et Luata. Un ravissement profond l'envahit alors, tandis qu'il regardait ce fleuve majestueux. Le mystère que la nature cachait depuis tant de siècles, et qui préoccupait le monde scientifique, attendait là qu'on le dévoilât. Pendant 220 milles, Stanley avait suivi une des sources du Livingstone jusqu'à son embouchure. À présent, il avait sous les yeux le fleuve lui-même. Sa tâche était de le descendre jusqu'à l'océan. La marche alla rapide, et le guide jetait l'expression de son contentement dans des chants descriptifs, dont toute la bande, hommes, femmes, enfants, répétait le refrain. Comme on marchait à ce moment-là! Quelles enjambées! Quelle bonne volonté dans l'allure! Plus vite, ami, plus vite! Afin que les Arabes de Niangoué apprennent quel vétéran vous êtes! Et sans qu'aucun ordre fût donné, les gens luttaient à qui marcherait le plus prestement. Par monts et par veaux, traversant l'Ouzoura, passant à gué le Loulinudi, l'expédition arriva d'un pas allègre à Niangoué, le grand centre commercial des Arabes de l'Afrique centrale. C'est là que, pour la première fois, Stanley se rencontra avec le célèbre Ahmed Ben Mohamed, autrement dit Tipotip, qui depuis joua plus d'un rôle dans les odyssées du grand explorateur. Tipotip est un homme de grande taille, jeune, à barbe noire, aux mouvements prompts et agiles, un type de force et d'énergie. Sa peau est négroïde, mais la figure est intelligente et belle, avec un clignement d'œil nerveux et des dents admirables, d'une forme parfaite et d'une blancheur étincelante. Il appartient, en un mot, à cette race brune apparentée de près à celle d'Égypte, mais où cependant on voit apparaître clairement le type arabe. C'est l'infiltration du sang nègre qui en ce moment déjà a gagné la race couchite. Car l'esclavage est une arme à double tranchant qui détruit la descendance des Arabes en la bâtardissant à jamais, et qui compromet par là ses intérêts vitaux plus sûrement que ne le feront jamais la domination turque et l'influence européenne. La jeune femme africaine, enlevée à sa famille pour alimenter les marchés de l'Oman, du Yémen, du Hedjaz, fait payer cher à ses oppresseurs le rapt dont elle est l'objet. Le sang blanc d'Arabie n'a aucun moyen de se renouveler, il va s'épuisant, et par ses croisements continuels avec la vigoureuse race nègre, il se laisse insensiblement envahir par elle. La lutte est inégale, ceci tuera cela. L'étreinte de Cam étouffera le fils de Sem. L'esclave violenté se vengera inconsciemment de ses maîtres en ne leur donnant bientôt plus que des enfants noirs comme elle. Ce sera le châtiment. Note. Voir Les Arabes dans l'Afrique centrale par Adolphe Burdeau, E. Dantu, Paris. Fin de la note. Tipotip en offre un exemple frappant, comme le sultan de Zanzibar lui-même et comme tous les Arabes de la conquête. De l'air et du ton d'un homme bien né, il souhaita à Stanley la bienvenue et s'accroupit en face du voyageur sur une natte et un coussin qu'avaient apporté ses esclaves. Puis il examina longuement l'homme blanc avec ce regard profond qui semble chercher les pensées de derrière la tête. De son côté, Stanley l'étudiait aussi, et il en arrivait à cette conclusion qu'il avait sous les yeux un homme remarquable, le plus remarquable peut-être qui se puisse rencontrer dans l'Afrique centrale. D'une tenue très soignée, cet arabe portait des vêtements d'un blanc immaculé, un fez tout neuf, une ceinture en soie de surate et une dague ornée d'un merveilleux filigrane d'argent. Déjà, Tipotip avait antérieurement escorté Cameron dans ses parages. Malheureusement, le lieutenant de marine anglais n'avait pu poursuivre son voyage vers le nord et il avait ainsi passé près du Congo sans le pouvoir découvrir. Nul mieux que le chef arabe ne pouvait donc renseigner Stanley sur cette intéressante région, encore enveloppée de mystères. Les renseignements qu'il lui donna confirmé du reste par d'autres Arabes, prouvait que le problème était encore intact à l'endroit où l'avait laissé Livingstone, lorsque, dans l'impossibilité de continuer sa route, l'illustre voyageur avait quitté Niangoué pour n'y plus revenir. D'après Tipotip, si Cameron avait renoncé à descendre le cours du Lualaba, ce qui lui aurait fait découvrir le Congo, c'est d'abord parce qu'il n'avait pas trouvé de canot, ensuite parce que les indigènes de la forêt, la Mitamba, ont une extrême aversion pour les étrangers. C'est du reste ce qui avait empêché également Livingstone de poursuivre de ce côté ses importantes explorations. Stanley demanda à Tipotip de l'accompagner avec ses hommes. Mais l'arabe n'avait aucune raison de partager son enthousiasme, et froidement il lui répondit « S'il plaît aux hommes blancs de compromettre leur existence, ce n'est pas un motif pour que les Arabes fassent de même. Nous autres, nous voyageons lentement, nous avançons peu à peu, en nous procurant de l'ivoire et des esclaves, et nous y mettons des années. Vous autres blancs, vous ne vous occupez que de rivières, de lacs, de montagnes, et vous usez votre vie sans raison et sans but. Voyez ce vieillard que vous appelez Livingstone et que nous avons vu mourir dans le Bissa. Qu'a-t-il cherché si longtemps pendant 25 ans qu'il est resté dans l'Afrique centrale? Il n'est pas devenu riche. Il ne nous a jamais fait de présent. Il n'achetait pas d'ivoire, pas d'esclaves. Il allait toujours de l'avant. Et pourquoi faire ? » Ces arguments étaient sans réplique aux yeux d'un arabe trafiquant, si intelligent fut-il. Mais en outre, les pays que Stanley voulait traverser étaient peuplés, assurait-on, de cannibales, d'intraitables sauvages, de nains hideux. En un mot, y aller, c'était courir à une mort certaine. Toutefois, sur l'instance de l'explorateur, Tipotip convoqua ses parents, ses amis, tous ceux qui, de près ou de loin, avaient affronté ces parages, et leur demanda leur avis. À l'issue de ce palabre, ayant fait sortir tout le monde, il dit à Stanley « Chacun me déconseille de m'aventurer dans un pareil voyage. Néanmoins, comme je ne veux pas faire manquer vos projets, je consens à vous accompagner pendant 60 étapes, aux conditions suivantes. Premièrement, vous me donnerez une somme de 5 000 $, 25 000 francs. Deuxièmement, nous partirons de Niangoué dans la direction que vous voudrez. Troisièmement, les 60 étapes ne devront pas durer plus de 3 mois. Quatrièmement, la marche sera de 4 heures par jour. Cinquièmement, au bout des 60 étapes, nous nous quitterons, à moins que vous ne vouliez retourner en arrière avec moi. Sixièmement, vous paierez pendant toute la durée du voyage la ration de 140 de mes hommes. Si avant l'expiration des 60 étapes, vous en avez assez du voyage, mes 5 000 $ n'en seront pas moins payés sans retenue aucune. » Stanley accepta. Toutefois, en présence des dangers qu'on lui signalait, il voulut avoir avec Frank Pocock un entretien des plus sérieux, dans lequel, alternant à dessein le pour et le contre, il lui exposa la situation en lui demandant ce qu'il en pensait. Le brave garçon, dont le courage était cependant à toute épreuve, ne savait trop quel parti prendre ni quel avis donner. D'autres explorations s'offraient à l'est, au sud. On pouvait se porter vers le lac Bemba, vers le Zambèze, ou encore explorer le nord-est, le Mutanzige. Tout cela, certes, n'était pas aussi brillant que la perspective de traverser le continent de part en part. Mais où courait-on de la sorte? Tel fut le sujet de la conversation qui eut lieu ce soir-là entre Stanley et son dernier compagnon. « Eh bien, monsieur Stanley, » dit tout à coup Pocock, « voulez-vous que nous jouions notre direction à pile ou face ?»« Soit, face pour le nord, pile pour le sud. » Frank jeta en l'air une roupie qui retomba pile. « Recommençons » fit-il d'un air désappointé. Même résultat. Pile 6 fois de suite. Le sort voulait que l'on rétrogradât vers le sud au lieu de s'avancer au nord où Frank allait trouver son tombeau. « N'importe, » dit le courageux jeune homme. « Suivons notre destinée, monsieur Stanley, et en dépit du sort, portons-nous vers le nord. C'est là qu'est le grand problème à résoudre, c'est là qu'est l'honneur, c'est là que nous trouverons la gloire. Mon vieux père m'a dit en me quittant que rien ne te détache jamais de ton maître. Voici ma main, monsieur, comptez sur moi. » Très bien, Frank, et merci. » Le lendemain, Stanley signait le contrat avec Tipotip, et quelques jours après, l'expédition se remettait en marche accompagnée de 700 hommes que le chef arabe emmenait avec lui. Sur ce nombre, 300 devaient se détacher de la colonne à quelques marches de là pour se rendre au Tata. L'escorte proprement dite, qui faisait l'objet du contrat, était forte d'environ 250 individus. Arabes, nègres, indigènes de divers pays, tous armés, qui de fusils, qui de flèches et de lances. La bande comptait, en outre, 100 esclaves et 50 jeunes garçons, servants d'armes, domestiques, cuisiniers, charpentiers, maçons et forgerons. Le reste se composait de femmes esclaves, dont 20 appartenaient en propre à Typotype. À peine eut-on quitté Niangoué que dès le 6 novembre on entrait dans la Mitamba, forêt sinistre dont avec raison les indigènes avaient fait à Stanley un véritable épouvantail, et où il fallut dire adieu au soleil et subir une foule de misères. À droite et à gauche, les arbustes des fourrés s'élèvent à 20 pieds de hauteur. Le sol, terreau d'un brun sombre, formé par l'accumulation tant de fois séculaire des débris de la forêt, et sans cesse abreuvé, constitue une couche chaude d'une puissance végétale étonnante. Retenue par l'argile sous-jacente, l'humidité nourricière est aspirée par les myriades de racines des buissons et des herbes. Toutes ces plantes, d'une diversité inouïe, qui croissent avec tant de vigueur dans cette ombre tranquille et moite, seraient desséchées par le moindre vent. Mais quelle bourrasque pourrait visiter ces cloîtres ombreux ? La tempête a beau mugir au dehors, un calme absolu n'en règne pas moins dans les profondeurs de cet océan de verdure. On n'a qu'à tirer sur un jeune arbre pour savoir que le terrain meuble n'a aucune force de rétention et que les racines de l'arbrisseau n'ont pas pénétré dans l'argile. Même celles des géants de la forêt n'y sont pas entrées profondément, comme on peut le voir par leurs racines à moitié découvertes. Ils semblent rester debout, plutôt en raison de la largeur de leur base, que par l'empoignement de la terre. S'il fallait décrire tout ce que l'on voit d'insectes dans ces forêts tropicales, un chapitre n'y suffirait pas. C'est dans ces retraites sans drainage que se trouve le véritable laboratoire de la nature, où l'on ne peut pénétrer qu'en payant son audace de la fièvre ou de la malaria. On parle du silence des bois, mais pour l'observateur attentif, ces forêts africaines sont loin d'être silencieuses. Le bourdonnement et le murmure de centaines de tribus actives remplissent de leur bruit confus l'ombre crépusculaire qui règne sous cette feuillée vierge. On y perçoit le broiement de millions de mandibules, le sifflement furieux de peuplades alarmées prêtes au combat, le bruissement d'ailes minuscules dans les couches inférieures de l'air, la marche de légions sous les feuilles, le bond subit d'une martre qui se réveille, le stridulement d'un grillon ardent et bavard, le bourdonnement du fourmillon et le rugissement de la grenouille taureau. Ajoutez à cela le froissement des ramilles, la chute des feuilles, celle des noix et des baies, le brisement accidentel d'une branche, le grondement ou le murmure des cimes qui se balancent ou s'entrechoquent. Et fût-on aveugle et seul, on saurait à n'en pas douter qu'à l'ombre d'une forêt tropicale s'exercent de menues industries en quantités incalculables et que là s'agitent des travailleurs dont personne ne pourrait estimer le chiffre. Mais qu'on ne dise pas que la forêt est silencieuse. Le terrible sous-bois qu'eut à traverser Stanley était un miracle de végétation. Il se composait de fougères, d'herbes tranchantes, de roseaux, d'orchidées, mêlés à des lianes, des acacias, des tamariniers, des vignes folles, des palmiers de toutes races, élaïs, dattiers, borassus, rotans et cent autres. Inextricable fourrée dont toutes les plantes se disputaient chaque pouce du terrain, d'où elle s'élançait avec une luxuriance que peut seule donner une telle serre chaude. La marche y était des plus pénibles. À un certain moment, elle devint impraticable pour les porteurs du bateau. Et Stanley dut organiser un corps de pionniers pour ouvrir une passée à coups de hache. Au bout de quelques jours, et comme la forêt ne finissait point, un matin, Stanley vit arriver vers lui Typotype, qui, après de longs préambules où furent exposées les horreurs de cette situation, exprima carrément le désir de rompre le contrat. Stanley sentit que le moment critique était arrivé. Allait-il devoir terminer là son voyage ? Il essaya, mais en vain, de représenter à l'arabe la valeur d'un engagement solennel librement souscrit. « Avoir la langue double, répondit Typotype, ne sert à rien. Il faut parler franchement. Eh bien, de ce train, il nous faudra 1 an pour faire ces 60 marches. Je n'avais jamais vu cette forêt, et je ne pouvais m'imaginer qu'il y eût pareil lieu au monde. L'air qu'on y respire tue mes gens. Vous tuerez aussi les vôtres. Ces bois ne sont faits que pour les païens, les singes et les bêtes fauves. En vérité, je ne peux pas aller plus loin. » Fin de la section 73.